un plaisir à moi de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française, dont voici d'abord les grands titres. La diminution des véhicules dans le cortège de certaines autorités de ce pays, c'est l'une des mesures qui, des propositions des élus du peuple ce vendredi lors de l'analyse du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2025-2026. Vous le suivrez dans ce journal. Et les candidats présents représentant les partis politiques des candidats indépendants ainsi que ceux des coalitions se sont convenus de présenter les hymnes et les insignes de leurs partis politiques lors de l'ouverture de la campagne électorale qui aura lieu le 9 mai 2025. Vous l'entendrez aussi dans ce journal. Et l'État burundais devrait tout faire pour que les promesses issues de la visite du vice-premier ministre belge soient bénéfiques à tous les Burundais. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants. Jérôme Akizimana à la présentation. François Kimana sur la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire dans les titres politiques pour débuter ce journal. La diminution des véhicules dans le cortège de certaines autorités de ce pays, la prise de lourdes sanctions pour ceux qui ne veulent pas payer les impôts et taxes sur la facturation électronique sont quelques-unes des propositions des élus du peuple ce vendredi lors de l'analyse du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2025-2026. Dans ce projet, la contribution spéciale à hauteur de 0,5% sur salaire de certaines personnalités dont les mandataires politiques ont été proposés. Mireille Kanyang. Lors de cette analyse de ce projet de loi ce vendredi, des dispositions sur l'élargissement fiscal et la lutte contre la fraude ont été introduites. C'est notamment la hausse des documents de voyage, dont le passeport qui passe de 235 000 francs burundais à 300 000 francs burundais. Autre source de recettes, c'est cette contribution spéciale destinée à l'achat des bons pupitres, au manuel scolaire, au recrutement des enseignants et à l'appui à la carte d'assistance maladie à hauteur de 0,5%. Cette contribution concerne la rémunération mensuelle nette pour le personnel des projets financés par les partenaires au développement, de l'indemnité mensuelle perçue par les mandataires politiques et du montant du marché exécuté pour les bénéficiaires des marchés publics. Ce budget étant fixé à plus de 5 049 milliards de francs burundais, suppose des sources de recettes. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé le président de l'Assemblée nationale pour que les députés proposent quelques voies. Sur ce, le député Guy Keke Pascal a proposé que le nombre de véhicules de certains dignitaires puisse diminuer et que l'avion présidentiel qui n'est pas sur le sol burundais, mais qui est pourtant entretenu à hauteur de plus de 300 millions de francs burundais, puisse être vendu. De son côté, le député Parfait rejoint le point de vue du président de l'Assemblée nationale pour proposer de lourdes sanctions à ceux qui ne payent pas les impôts et taxes avec facturation électronique. À différentes propositions, Nestor Naonouye, ministre burundais des Finances, a répondu qu'ils vont s'y référer. Ce projet de loi, qui a un déficit de plus de 436 milliards de francs burundais contre plus de 521 milliards de l'exercice budgétaire 2024-2025, a été adopté. Ce projet de loi 2025-2026 a un déficit de plus de 436 milliards de francs burundais, alors que celui de 2024-2025 avait un déficit de plus de 521 milliards de francs burundais. Merci à toi Mireille Kanyang de La Politique. Parlons élections dans la suite de ce journal. Les candidats représentants des partis politiques, des candidats indépendants ainsi que ceux des coalitions se sont convenus de présenter les hymnes et insignes de leur parti politique lors de l'ouverture de la campagne électorale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'a dit ce vendredi lors de la réunion d'échange sur les préparatifs de la journée du 9 mai 2020. 2025 de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections 2025. Pour les divergences au niveau logistique, Prosper Naogwamiye a indiqué que chaque parti politique doit s'organiser de sa manière pour participer à ces cérémonies. Suivez-le. Nous venons de faire une réunion d'échange sur les préparatifs de la journée du 9 mai 2025 à Gitega au stade Ngoma, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut faire une ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections de 2025. La rencontre d'aujourd'hui, c'était d'échanger sur les différents aspects d'organisation technique. Le premier aspect sur lequel on a échangé, c'était les gens qui vont prononcer des discours. Il y avait une innovation où on a voulu qu'il y ait un représentant des candidats indépendants, un représentant des partis politiques non membres du forum et un représentant des partis politiques membres du forum. Il était question de nous convenir sur ces profils et les gens qui vont prononcer les discours, en plus du discours du gouverneur de province haute, discours du président de la CENI et le discours solennel d'ouverture de son Excellence Monsieur le Président de la République. On s'est convenu sur ces aspects. On s'est aussi convenu sur le défilé, les hymnes des partis et les différents insignes sur les partis politiques. Seulement, la question de la logistique, ça ne s'organise pas au niveau de la CENI. Et nous leur avons dit que chaque parti, chaque candidat va s'organiser de sa manière. Mais cela n'empêche qu'en groupe ou en coalition ou en collaboration avec les institutions, on puisse faire quelque chose pour ces gens. Mais ça ne se réalise pas au niveau de la CENI. Et la période de distribution des cartes d'électeurs aura lieu du 12 au 14 mai de cette année au lieu du 5 au 7 mai, comme c'était prévu dans le chronogramme initial. Précision de ce président de la CENI, Prosper Naogwamiye, qui explique qu'ils ont jugé bon de décaler les activités pour que l'activité de l'ouverture de la campagne électorale prévue le 9 mai soit une réussite. Suivez-le encore une fois. L'annonce de la période de distribution des cartes d'électeurs. La proposition, le chronogramme initial, c'est que la période de distribution des cartes d'électeurs allait commencer le lundi 5 mai jusqu'au mercredi 7 mai, c'est-à-dire 3 jours calendriers. Nous nous sommes rendus compte qu'il risquait d'y avoir chevauchement d'activités, puisqu'il y a une activité d'envergure nationale qui va se réaliser au courant de cette même semaine. Nous avons jugé bon de décaler ces activités pour que l'activité du 9 soit une réussite et nous profitons de l'occasion pour annoncer officiellement que finalement la période de distribution des cartes d'électeurs sera du lundi 12 au mercredi 14 mai 2025 et nous invitons la population à se préparer pour récupérer au maximum possible les cartes d'électeurs. Au courant de la semaine du 5, un spot radio-télé va commencer à passer à la radio et nous vous demandons de bien vouloir répercuter le message. L'autre annonce qu'on a donnée, c'était la période de dépôt des dossiers des candidats sénateurs. C'est du 5, ça commencera du 5 au 19 de ce mois et aussi la période d'accréditation des observateurs et des mandataires des candidats. Nous avons échangé sur toutes ces questions et on s'est convenu. Nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, les choses vont continuer à bien fonctionner, à bien marcher. Et en cas de problème, le dialogue est ouvert. Nous sommes toujours en contact permanent avec les différents partenaires électoraux. Prosper Naogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante. Économie à présent. L'économie du pays a été fortement perturbée par rapport à la période précédente durant ces 4 derniers mois. Affirmation de l'organisation non gouvernementale et locale, paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces mêmes sigles lors d'une conférence de presse animée ce vendredi pour présenter une analyse menée par cette organisation sur la bonne gouvernance et l'économie au cours des 4 derniers mois. Faustin Ndikoumana le dit sur base de la persistance des prix élevés, la pénurie des carburants et le manque de devises qui font que la population continue à vivre dans des conditions difficiles. Suivez-le. Au niveau économique, premièrement, la persistance de l'inflation. L'inflation à environ 40% selon les données qui viennent d'être sorties par la Banque centrale. Une inflation alimentée beaucoup par des produits alimentaires. Nous avons un déficit de la balance commerciale toujours persistant, mais avec de nouveaux éléments. La compression des importations qui augure un manque de moyens pour importer. La stagnation des exportations. Sinon, le recul. Si on voit l'exportation du café, les difficultés à encourir au niveau de l'exportation du café, la traçabilité des recettes d'exportation des minerais en l'occurrence l'or et autres, on voit que ce secteur souffre. Le secteur des exportations burundi n'a pas encore fait des effets positif et palpable. La présence de l'arrêté des devises, la dualité des taux de change actuels, un élément nocif à l'économie. L'endettement, 52% du produit intérieur brut. La présidence du Carbère a donc s'est empirée. Ces quatre premiers mois, janvier, février, la réalité du carburant a eu des effets beaucoup plus néfastes par rapport au mois précédent de la fin de 2024. Les coupures intempestives de l'électricité qui causent un tort aux investisseurs et à la vie des ménages. Quant au bail de fonds, on a constaté une chute vertigineuse du déblocage des appuis des bailleurs de fonds au sein même du budget. Budget en cours. Le secteur minier, il faut renforcer la transparence. Dépolitiser le secteur minier. On aura élaboré des bons textes de loi, des codes miniers, codes de marché public. Mais si au moment de la passion du marché, ça devient un apanage dans certains groupes privilégiés au sein du pouvoir, il y aura toujours des difficultés. C'est cela qui s'est toujours passé. Et à la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse, Faustin Ndikoumana déplore le fait que les journalistes éprouvent des difficultés à faire un journalisme d'investigation par manque d'accès aux informations nécessitant des enquêtes approfondies en raison du refus de collaboration de certaines autorités. Il estime que le gouvernement devrait rendre publiques les grandes lignes de ses projets et chercher des experts pour les accompagner. Suivez. Une gouvernance sans liberté de la presse consistante ne peut pas tenir. Donc à partir des états généraux qui sont tenus à Gitega, on avait tracé des orientations, mais malheureusement le suivi, la mise en application ne sont pas vraiment enthousiastes. Et si on analyse actuellement l'état du journalisme actuel, on voit qu'il y a une sorte de morosité. Par exemple, le journalisme d'investigation a disparu. Une presse sans journalisme d'investigation, c'est une presse vraiment morose. Je vois que quelque part, le journaliste est chargé de faire une investigation, chercher l'information, mais de le communiquer de façon stratégique, tactique. On peut dénoncer sans accuser. Parce qu'on oriente et dire qu'il faut faire ceci et cela comme invitation au gouvernement de prendre des mesures à une dénonciation aussi ou à une investigation faite par le journaliste qui produit des éléments important pour un renforcement de la gouvernance. Il faut quand même que la presse reprenne sa saveur. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous continuez à suivre le journal sur la radio Isanganiro, émettant depuis Bujumbura, capitale économique. Poursuivons ce journal par cette page coopération. La visite du vice-premier ministre belge Maxime Prévost s'inscrit dans les initiatives qui sont en train d'être effectuées pour faire asseoir la paix dans la région des Grands Lacs. Analyse faite par un politologue. Ambassadeur Edouard Bizimana, qui trouve que cette visite est survenue 10 ans après la dernière de ce niveau, elle constitue un signal fort de la volonté de la Belgique de renouer les liens étroits avec le Burundi. Il recommande aux autorités burundaises à rentabiliser les promesses issues de cette visite afin que les Burundais puissent en bénéficier. Je vous propose de le suivre. C'est un retour qui veut dire que probablement la Belgique a quelque chose à contribuer pour justement trouver la solution à ces problèmes. La région est secouée par un conflit à l'est de la RDC, mais qui affecte justement le Burundi, le Rwanda et d'autres pays limitrophes. Je pense que cette visite s'inscrit dans le cadre des initiatives de paix qui sont en train d'être entreprises un peu partout. Vous savez, il y a le processus de Luanda, et le processus de Nairobi, même s'il a du plomb dans l'aile. Et vous avez aussi le processus de Qatar et puis Washington récemment. Donc je pense que la Belgique s'inscrit dans cette logique de trouver des solutions, essayer de contribuer à résoudre ce conflit qui a tant duré et qui a affecté plusieurs personnes, plusieurs pays bien sûr, parce que vous savez, le Burundi comme pays voisin, il en paye de lourds tributs parce que beaucoup de réfugiés, disons, entrent au Burundi et le Burundi doit les supporter. Il faudrait peut-être situer aussi cette visite dans le cadre international internationale, parce qu'il y a une certaine reconfiguration de la scène internationale. Si vous voyez ce qui se fait entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et l'Afrique, entre les États-Unis, disons, d'autres pays du monde en termes de conflits commerciaux, entre l'Europe et la Russie, donc il y a une certaine reconfiguration qui est en train de se faire et l'Afrique ne doit pas laisser de côté. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas une visite de tel niveau, mais je pense qu'on veut laisser le passé et puis repartir sur de nouvelles bases. Comme il a été dit, nous avons une vision 2040, 2060. Chaque fois, les autorités burundaises, ils invitent leurs partenaires à s'inscrire dans cette logique. Il a parlé de la coopération militaire. Il y a aussi le secteur de l'agriculture. L'autre secteur qui a été abordé, c'est le secteur de la sécurité et le développement, bien sûr, parce que les deux vont de pair. Et le ministre s'est engagé à faire le plaidoyer pour que le Burundi, justement, puisse en bénéficier. Telles visites, ce sont des visites importantes qu'il faut capitaliser. Donc, la plupart de fois, c'est dans le suivi que les choses, se compliquent. Donc, ce que je voudrais être conseillé, c'est de faire le suivi de cette visite pour que, justement, il puisse être accompagné de fruits pour tirer profit de toutes les promesses qui ont été faites. Travail et emploi. Dans ce journal, le favoritisme dans le recrutement du personnel, la cherté de la vie sont les principaux défis auxquels font face les travailleurs, selon le président de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, Kosibu en sigle. À l'occasion de la fête du travail, ce jeudi, son président Célestin Sabzimana a appelé à un dialogue pour statuer sur ces défis. Le travail n'est plus considéré suite aux partis politiques. Dans certains services, des listes de personnes à recruter proviennent des partis politiques en violation des procédures légales déjà mises en place. Cela figure parmi les injustices décriées par les travailleurs. Ce comportement est un signe qui prouve que nous sommes encore loin de la réalisation de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Son Excellence le Président de la République, même si nous vous avons adressé une correspondance renfermant les principaux défis qui hantent les travailleurs et le travail, nous ne pouvons pas clore notre propos sans vous rappeler que le principe Le principal défi qui hante les travailleurs et la population en ce moment reste la cherté de la vie. Tous les prix des produits de première nécessité ont été revus à la hausse sans cesse jusqu'à ce que la vie devienne intenable. Le manque persistant de carburant aggrave cette situation. Nous aimerions vous demander un dialogue dans un délai proche, lequel réunirait les principales parties prenantes en vue d'établir les bases de solutions à la cherté de la vie et à la pénurie du carburant. Et pour le chef de l'État burundais Évariste Ndayishimiye, la question de cherté de la vie restera posée pour les travailleurs tant qu'il n'y a pas l'augmentation de la production. Quant au favoritisme dans le recrutement, il a reconnu qu'il faut en découdre, estimant que ça génère plus de conséquences, dont les actes de corruption. Suivez. Nagomba ndababwira yuko igihe userukira abakozi ajeje kuvuga iya aba kuri stade ngoma. Je tiens à vous dire que les propos tenus sur la pauvreté par le représentant des travailleurs n'allaient pas avoir lieu s'il était présent au stade Ngoma vendredi dernier. C'est là où nous avons vu que le Burundi a atteint un stade avancé. Un serviteur ne peut vouloir une vie facile. Accepte de servir, sinon, venez pour que je te montre où se trouve de l'argent que nous avons découvert via la jeunesse, qui a manqué d'emploi pour que je lui en montre un. Même la personne qui balaye la route est un travailleur, car il se procure du fumier à vendre. Qui souhaite que la vie ne soit pas chère, qu'il vienne pour que je lui montre le secret. La vie ne peut pas être facile sans œuvrer pour son amélioration. Comment pourrait-on procéder en mettant en avant les services sans se soucier de la production, que l'on fabrique de l'argent et que l'on vous paye 100 millions de francs burundais chacun pour voir si la vie chère va cesser sans augmenter la production? Sachez que la pauvreté demeurera. Le favoritisme, L'injustice et la corruption engendrent des conflits dans le pays. Essayons d'en découdre. Changeons de comportement. Ceux qui priorisent le favoritisme dans le recrutement sont des débiles, car ils cultivent de la médiocrité. Je vous prodigue ce conseil. Recrutez des candidats capables. Parallèlement à cela, la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a annoncé ce jeudi, lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs, une augmentation significative des salaires des fonctionnaires de l'État, les portant à 35,1%. Cette décision, motivée par une croissance économique notable du pays, entrera en vigueur à partir du 1er juillet de cette année, a-t-elle indiqué. La présidente a en outre souligné que cette mesure reflète les progrès économiques réalisés et vise à améliorer le bien-être des employés du secteur public. Elle a également encouragé les employeurs du secteur privé à dialoguer avec leurs employeurs afin d'envisager des ajustements salariaux similaires alignés sur cette initiative gouvernementale. Bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jérôme Hakizimana a été à sa présentation. François Kimana à la mise en onde. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.